La Force par Henri Barbus. 9, 10, psalmodia l'arbitre au milieu d'un religieux silence. On emporta Phil McHugh inerte. Alors, une immense clameur souleva le toit de la salle basse fleurant la cage aux fauves, où, voilà quelques 50 ans, venait de se terminer ce match sensationnel entre Phil McHugh, champion d'Australie, et Otis Yeager, champion de la côte, l'idole de San Francisco. Aussi les gentlemen amateurs du ring de Frisco s'en donnèrent-ils à cœur joie d'ovationner leur grand vieur national, qui venait d'endormir si magistralement McHugh, après avoir nettoyé successivement au Mechanics et au Woodsworth Pavilion, d'autres poids lourds de moindre importance. Il y eut pourtant dans les deux camps quelques adeptes du noble art pour trouver que le grand vieur avait frappé un peu dur à la fin. McHugh était un bon garçon et un battant. Il était courageux et ne méritait pas une punition aussi forte. Au 6e round, il n'était plus un boxeur. Il semblait plutôt un décapité, auquel on aurait rajusté sa tête et qu'on aurait remis sur pattes. Les bras pendants, il se balançait de droite et de gauche à la façon du mandrill. Or, au lieu de souffler dessus, le grand vieur avait reculé d'un pas, pris son temps, visé et son gauche avait crocheté la mâchoire du magot avec une énergie qu'un nocturne cambrioleur eût rêvé posséder devant une porte fermée. Naturellement, McHugh s'écroula à terre avec un bruit de dislocation, et non moins naturellement, il mourut 48 heures après, inconscient, mais sans cesser de vomir de petits coups de sang. Oui, c'est là la manière dont un champion doit se comporter vis-à-vis d'un poisson bouilli, et non vis-à-vis d'un loyal adversaire. Le grand yeur continua sa triomphante carrière. Lui qui, à 25 ans, était une étoile dans l'Est, fut à 30 une célébrité nationale. Il les surclassa tous, les uns après les autres, ou du moins, fit match nul avec les plus grands. Jamais il ne fut mis knock-out. À 2 reprises différentes, il dut abandonner. 4 fois, il n'eut pas la décision de l'arbitre, mais en relisant avec soin les polémiques qui s'élevèrent de ce chef dans les journaux de l'époque, on se rend compte qu'il eut, dans ces rencontres où sa supériorité fut mise en échec, des cabales et des petites choses malpropres sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'apesantir. 10 ans, 20 ans, 30 ans passèrent. Il continua à être l'empereur du ring, l'invincible. Il avait toujours sa prestance magnifique, portant son énorme carrure comme un glorieux fardeau, les muscles aussi durs que ceux du gladiateur qui fait toujours le même geste dans le National Museum. Après avoir été, comme on sait, 5 ans de suite champion du monde, il ne perdit ce titre que par sa négligence à s'entraîner la 6e année. Il n'y eut qu'une voix dans toute la presse sportive des deux mondes pour affirmer qu'il aurait eu Gus Jackson comme les autres s'il avait voulu s'appliquer. Mais il en eut assez d'être toujours vainqueur ou jamais réellement vaincu. Il se retira peu à peu et, lorsqu'à 60 ans il annonça qu'il allait renoncer définitivement à la boxe pour tenir un café à New York, notre grand yeur était toujours l'invincible. Il avait été toujours debout sur le ring à la fin de chaque match. Jamais il n'en avait mordu la poussière. Il s'était maintenu superbement droit, comme une statue boulonnée sur son piédestal, la statue d'un forgeron d'homme. Gloire à notre grand Otis Yeager national et mondial. Or, le bruit de sa retraite commençait à circuler lorsque Joe Spear Floyd, le manager, monta un beau soir sur le ring et lui lança un défi qui était presque un outrage. Le sang de l'énergique champion bouillonna et incontinent, il prit à Jim Sharp d'arranger les conditions de la rencontre entre lui et le boxeur inconnu au nom duquel Floyd venait de s'exprimer en termes désobligeants. Et les assistants eurent l'air de joie. On verrait encore le grand vieilleur sur le ring. L'adversaire qui forçait ainsi le vétéran à accepter la lutte, un jeune homme nommé Dick McHugh, était le fils de l'homme que Yeager avait dans le temps mis knock-out dans des conditions telles que seules les trompettes du jugement dernier l'avaient réveillé. À l'époque de la mort violente de son père, Dick était tout jeune. Il apprit un peu plus tard les détails du combat final, et dans son cœur d'enfant germa une haine immense pour la brute formidable qu'il avait, de gaieté de cœur, rendu orphelin, et le besoin tenace de s'en venger. Patiemment, petitement, il s'entraîna, évita les stands et les villes où de bruyantes affiches multipliaient le nom du champion maudit. Il fit l'Australie, l'Angleterre, la France, qui commença à se réveiller de son apathie antisportive et à comprendre les grandes idées. Il parvint à une belle et scientifique puissance. Quand il se crut de force à se mesurer avec l'ennemi, il partit à la recherche de celui-ci et obtint de le ramener sur l'arène par le procédé que j'ai dit. De ce combat, qui fut inoubliable par Jupiter, les conditions n'étaient pas équitables. Il n'y avait pas à dire, si compact et si vaste que se présenta le vieux torse de chêne, si perfectionné que fut le système habile des bras de l'unique champion, la partie s'annonçait mal pour lui. Une inquiétude colossale commençait à tirailler les entrailles des bons citoyens. Il était au compte fait peu probable que tout l'attirail suranné de l'ancêtre pût tenir contre le prodigieux épanouissement du jeune athlète. La gloire immaculée d'Autissier allait-elle être souillée d'un knock-out? Eh bien non. Le vieil ours gris triompha encore. Je renonce à vous décrire les péripéties du plus rare et du plus dramatique des matchs de boxe auxquels j'ai assisté. Je ne puis pourtant m'empêcher de vous citer les deux jabs du premier round, qui rendit l'adversaire tout à fait groggy, les deux swings du second round, le premier du droit à l'oreille, l'autre du même à l'estomac, et le bouquet, l'imbloquable direct au solar plexus. Bref, si invraisemblable que cela puisse paraître, Willadon fut endormi comme un nourrisson. Il ne portait point son vrai nom pour cacher ses desseins qu'il croyait homicides et dut s'établir coiffeur quelque part en province. Après ce combat, Autissier quitta jamais l'estrade entourée de cordes. La scène des adieux, encore une émouvante cérémonie. Dan Simons, qui avait été pourtant bourreau à Détroit, pleurait. Yeur parlait, et nous tous, Bulmain, en perdant la soif pendant 3 jours. Rien n'est joli comme Hockney Hill dans les frais rayons d'avril. Il y a là des petits chemins dessinés aussi droits que sur du papier, des cailloux brillants comme des œufs de faïence peintes et du gazon si fin qu'on en recouvrirait des meubles. Justement, un très vieil homme vint s'asseoir dans un des coins les plus tendrement verts de Hockney Hill. Il était colossalement vaste et haut, mais tout cassé, et lochait une énorme tête blanche qu'on eût prise de loin pour le crâne écorché d'un lion. Ce prodigieux débris se laissa tomber sur un banc vert et regarda les prairies et les jardins avec ses yeux bleus qui pleuraient tout seuls au fond d'orbite où on aurait pu enfoncer le poing. Or, son attention fut attirée par une petite chose qui se mouvait sur le chemin et semblait s'approcher. Hey, « Hé, balbutia le vieux égayé. Ses yeux, encore bons, reconnurent lorsque la petite chose fut à 10 pas, un enfant de 5 à 6 ans qui trottinait en tenant ses sabots à la main. L'enfant alla justement droit au vieux, il se planta devant lui. « Vous êtes Autissier ?» lui demanda-t-il. « mais oui !» rit le jovial vieillard. « Eh bien moi, dit l'enfant, je suis Bob McHugh, le petit-fils de Phil et le fils de Dick, et je vais vous mettre knock-out. » Ce disant, il prit l'attitude de combat. Un peu décontenancé, l'antique champion en trouvera une bouche luisante. Il la ferma aussitôt pour avaler un direct très dur, ma parole. Puis, pan, il encaissa un double crochet. Il souleva péniblement ses mains énormes et décharnées pour se défendre. Il esquissa une lente et bas riposte, mais il fut vite dominé par le minuscule héritier de ses victimes. Si bien qu'il gémit, dégringola, et resta inerte, le nez par terre, comme un pan de mur écroulé. Très grave, l'enfant compta jusqu'à 10. Et comme les ruines du vieux ne bougeaient pas, l'enfant saussa sur ses pieds, émit comme un petit coq un cri de victoire, et tourna les talons. C'était la force par Henri Barbusse.